au Saint-Esprit. Nous te disons tes ans, remplis nos cœurs de ta lumière. Guide nos vies dans ta vérité. Nous avons soif de ta présence. Viens, Seigneur, en nous éclaire. Ô Saint-Esprit, descends, descends. Vibrons au son de ta majesté. Élève nos âmes vers le ciel. Quand nous ta gloire se manifeste, dans ta puissance tout est possible. Ô Saint-Esprit, descends, descends. Chauffe nos cœurs d'un feu divin. Que ta paix nous envahisse. Fais naître en nous la joie pure. Que ton amour nous réchauffe. Ô Saint-Esprit, descends, descends. Remplis ce lieu de ta douceur. Reste nos vies brisées. Prends toute la place au consolateur. Transforme-nous, fais de nous ta fleur. Ô Saint-Esprit, descends, descends. Nous tiens vos coups, remplis nos cœurs. Ô Saint-Esprit,